Chapitre 4. Il ne demandait pas mieux que d'être un fils pour cette pauvre femme. En réalité, il voudrait bien ce malheureux garçon, mou et incapable. Que lui fallait-il à cet affamé de maternité? Un fils à aimer. Elle le trouverait dans son gendre. En voyant sa fille heureuse, comment, pourquoi ne serait-elle pas heureuse elle-même? Il pouvait se dire que personne n'était moins que lui disposé à l'infatuation. Aussi n'était-ce que justice de reconnaître qu'il réparait, dans la mesure du possible, la fatalité dont elles avaient été victimes. Évidemment, elle serait heureuse, la mère comme la sœur, et quoi qu'en pensât Phyllis, encore sous le coup du chagrin, elles oublieraient. Elle lui devrait cette consolation. Pour lui, c'était quelque chose, c'était même beaucoup. Il y avait longtemps qu'il n'avait travaillé avec la sérénité qui le soutint ce jour-là. Et quand le soir, inquiet comme toujours de sa nuit, il se coucha, il s'endormit aussi tranquillement que si Phyllis avait appuyé sur son épaule sa tête charmante dont il aurait respiré le parfum. Décidément, faire des heureux était encore ce qu'il y avait de meilleur au monde. Et lorsqu'on pouvait se donner cette satisfaction, il n'y avait pas à craindre qu'on fût malheureux soi-même. Quand on crée pour les autres une atmosphère de bonheur, on en profite en même temps que les autres. Il attendait Phyllis avec impatience, car elle allait lui apporter certainement un écho de la joie de sa mère, et c'était une récompense qu'on lui devait bien. Sans doute elle arriva, heureuse, souriante, toute pénétrée de tendresse, mais il l'observait de trop près pour ne pas voir qu'il y avait en elle comme une arrière-pensée, quelque chose qui l'embarrassait et qu'elle ne disait pas. Il n'était pas en disposition d'admettre qu'elle pouvait se cacher de lui et ne pas tout lui dire. Tout de suite, il la questionna. « Que me caches-tu ? Comment peux-tu supposer que je te cacherai quelque chose ? Enfin, qu'as-tu ? Tu comprends, n'est-ce pas, qu'il ne peut rien se passer en toi que je ne lise dans tes yeux ? Eh bien, tes yeux parlent quand tes lèvres se taisent. C'est que j'ai une demande à t'adresser, une prière. Pourquoi ne la dis-tu pas? Parce que je n'ose. Il me semble cependant que je ne montre pas des dispositions qui puissent te faire croire que je te refuse rien. C'est justement de là que vient mon embarras et ma réserve. J'ai peur de te peiner au moment où je voudrais te prouver tout ce qu'il y a de gratitude et d'amour dans mon cœur. Si tu dois me peiner, le mieux est de ne pas me faire attendre. » Elle hésita, puis devant un geste impatient, elle se décida. « Je voulais te demander comment tu entends que se fera notre mariage. » Il la regarda surpris. « Mais comme tous les mariages ?»« Tous ? » dit-elle en insistant. « Est-ce qu'il en est qui se font d'une façon différente des autres ?»« Mais oui. » « Tu sais que je ne comprends rien à cette manière d'interroger en énigme. Si tu veux faire allusion à un usage mondain que je ne connaisse pas, dis-le franchement. Cela n'est pas pour me blesser, puisque je suis le premier à avouer que je n'en connais aucun. Que veux-tu ? » Elle sentait l'irritation croître, et pourtant elle ne pouvait se décider. « J'ai mal commencé, » reprit-elle. « J'aurais dû te dire tout d'abord que tu trouveras toujours en moi une femme respectueuse de tes idées et de tes croyances, qui ne se permettra jamais de les juger, encore moins de chercher à les combattre ou les modifier. Cela, tu le sens, n'est-ce pas, ne serait ni de ma nature ni de mon amour. » « Conclus, » dit-il impatiemment. « Je pense donc, » dit-elle avec une hésitation embarrassée et craintive, « que tu n'admettras pas que je manque de respect à tes idées en te demandant que notre mariage se fasse à l'église. » « Mais c'était mon intention. »« Vrai ? » s'écria-t-elle. « Oh, cher, et moi qui avais si grande crainte de te blesser. »« Pourquoi veux-tu que cela me blesse ? » dit-il en souriant. « Tu consens à aller à confesse ?» Instantanément, le sourire qui était dans ses yeux et sur ses lèvres fut remplacé par un éclair de fureur. « Et pourquoi n'irais-je pas à confesse ? » s'écria-t-il. « Mais tu supposes que je puisse avoir peur de me confesser ? Pourquoi supposes-tu cela ? Dis-le, c'est pourquoi. » Il la regardait avec des yeux qui la perçaient jusqu'au cœur, comme s'il voulait fouiller en elle. Stupéfaite de cet accès de fureur qui éclatait sans que rien lui fût prévoir, puisqu'il venait de répondre en souriant à la demande du mariage religieux qu'elle avait cru si dangereuse, elle ne trouvait rien à dire, ne comprenant pas en quoi ce simple mot « à confesse » avait pu l'exaspérer ainsi. Et cependant, elle ne pouvait pas s'y tromper. C'était bien celui-là, et non un autre, qui l'avait mis dans cet état. Il continuait de l'examiner. Alors elle voulait essayer de s'expliquer. « Je n'ai supposé qu'une chose, dit-elle, c'est que je pouvais te blesser en te demandant un acte en contradiction avec tes croyances. » La colère folle qui venait de l'emporter si maladroitement commençait à perdre de sa violence initiale. Un mot ajouté à ce qui lui avait échappé serait un aveu. Ne se débarrasserait-il donc jamais, même alors que son esprit se trouvait dans les meilleures conditions, de l'idée fixe qui l'obsédait ? Un homme comme lui pouvait avoir de la répugnance pour se confesser. Mais il ne devait pas admettre l'idée qu'on supposa qu'il avait peur de cette confession. Pourquoi peur ? Ne parlons plus de cela, dit-il. Surtout n'y pensons plus. Permets-moi un seul mot, répondit-elle. J'aurais été dans la situation de tout le monde que je ne t'aurais rien demandé. Les idées que je peux avoir au fond du cœur se seraient inclinées devant les tiennes. Je t'aime assez pour cela. Mais pour toi, pour ton avenir, pour ton honneur, tu ne dois pas paraître te marier en cachette, honteusement, avec une paria. Sois tranquille, je sens comme toi, plus que toi, la nécessité pour nous des cérémonies consacrées. Elle ne tarda pas à comprendre que dans cette voie, il allait beaucoup plus loin qu'elle. Pour ne pas rester sous l'impression fâcheuse qu'aurait pu avoir le mot malencontreux d'où était partie cette explosion, il lui proposa de visiter l'appartement qu'il avait arrêté la veille, et tout de suite ils allèrent rue d'Estrée. Pour la première fois, il marchait franchement la tête haute, côte à côte, dans les rues de Paris, sans craindre des rencontres. Quel orgueil pour elle ! Son mari ! C'était au bras de son mari qu'elle s'appuyait. Quand ils traversèrent les Tuileries, elle fut presque surprise qu'on ne se retournât pas pour les voir passer. Volontiers, elle eût crié à ses indifférents, à ses ignorants. « C'est lui, mère qui couvait si tendrement vos enfants d'un regard ému, c'est lui qui vous les guérira. Enfants qui embrassez vos mères, c'est lui qui les conservera longtemps à votre affection. » Dans les dispositions où elle était, elle ne pouvait que trouver admirable ce qu'il avait choisi. Admirable la rue, admirable la maison, admirable l'appartement. Comme il comprenait trois chambres à coucher donnant sur une terrasse où il logerait les bêtes destinées à ses expériences, Saniel voulut qu'elle décidât laquelle de ces chambres elle choisissait. Puisqu'elle devait la partager avec lui, elle voulut prendre la plus belle, mais il n'accepta point cet arrangement. « C'était entre les deux petites que je te demandais de choisir, dit-il. La grande et la belle doit être réservée à ta mère, qui, ne pouvant pas sortir, a besoin plus que nous d'espace, d'air et de lumière. Comment n'eût-elle pas été transportée de reconnaissance en le trouvant en toutes choses, les petites comme les grandes, si parfaitement bon, plein de prévenance, de délicatesse, de générosité ? Jamais elle ne l'aimerait assez pour s'élever jusqu'à lui. Par une chance heureuse, les pièces principales, le salon et le cabinet, se trouvaient à peu près de même dimension que celles de la rue Louis-le-Grand. Il n'y aurait donc rien, ou presque rien n'a changé à l'ameublement. Si les rideaux n'allaient pas tout à fait bien, on tricherait un peu. Pour les autres pièces, peu importait. On se contenterait de ce qu'on avait, en le complétant avec le mobilier de la rue des Moines. Ce n'était pas du présent qu'il devait prendre souci, c'était de l'avenir. Plus tard, on verrait. Ce bavardage féminin, coupé d'effusions et d'élans passionnés, charmait Saniel, qui avait oublié l'incident de la confession, sa colère aussi bien que son obsession, ne pensant qu'à Phyllis, ne voyant qu'elle, ravie par sa gaieté, sa vivacité, remuée dans tout son être par les tendres caresses de ses beaux yeux sombres. Comment ne serait-il pas heureux avec cette femme délicieuse qui avait pris tant d'empire sur lui et qu'il aimait si ardemment. Une inspiration inconsciente ne l'aurait pas poussé au mariage que la raison et le calcul devaient l'y amener. Pour lui, un seul danger désormais, la solitude. Elle l'en préservait. Avec son entrain, sa belle humeur, sa vaillance, son amour, elle ne le laisserait pas retourner à ses pensées. Le travail ferait le reste. Après la question de l'ameublement, ils réglèrent celle du mariage lui-même, c'est-à-dire de la cérémonie. Et ce fut alors qu'elle eut l'étonnement de voir en lui des idées et des exigences qu'elle ne soupçonnait pas et qui étaient même la négation de ce qu'elle avait cru jusqu'à ce jour. La toilette avait été décidée, robe de taille aussi simple que possible qu'elle ferait elle-même comme toutes ses robes, et ils étaient arrivés aux témoins. « Nous n'avons plus de relations, » dit Phyllis. « Vous en aviez autrefois, Ton père avait des amis, des camarades ? Je ne suis plus la fille de mon père, je suis la sœur de mon frère. Je n'oserais pas leur demander d'être témoin de mon mariage. C'est justement parce que tu es la sœur de ton frère qu'ils ne peuvent pas te refuser. Ce serait une cruauté doublée d'une grossièreté. La cruauté passe, mais la grossièreté. Parmi les gens de talent, quel était le meilleur camarade de ton père ? Cintra. Est-ce que ce n'est pas un bohème, un ivrogne ? Mon père le regardait comme le plus grand peintre de notre temps, le plus original. Il ne s'agit pas du talent, mais du nom. Je suis sûre qu'il n'est pas seulement décoré. Ton père avait bien d'autres amis, plus incontestablement arrivés, plus bourgeoisement, si tu veux. Glorian. Le membre de l'Institut ? Parfait. Casparis, le statuaire. Académicien aussi, c'est ce qu'il nous faut. Et tous deux archi-décorés. Inutile de chercher plus loin. Tu iras les inviter. Tu diras qui je suis. Professeur agrégé à l'école de médecine. Médecin des hôpitaux. Je te promets qu'ils accepteront. Pour moi, je prendrai mon vieux maître, Carbonneau. En ce moment président de l'Académie de médecine, et Claudet, l'ancien ministre, qui en sa qualité de député de mon département, ne pourra pas se dérober plus que les autres. Et ça nous donnera des témoins décoratifs qui feront bien dans les journaux. Ce ne fut pas seulement dans les journaux qu'ils firent bien. Ce fut aussi dans l'église de Sainte-Marie des Batignolles, quand on les vit en tête du cortège défiler sur le tapis, qui, dans la nef un peu sombre, montait de la rue jusqu'à l'hôtel. Glorian, Casparis, Carbonneau, Claudet, les arts, la science, la politique. À moins d'avoir des diplomates, on ne pouvait espérer des boutonnières plus fleuries. Il fallut la beauté et le charme de la mariée pour qu'elle ne fût pas éclipsée par ses glorieux témoins. Mais quand on la vit passer au bras de Glorian, si libre dans sa modestie, si rayonnante de grâce, des exclamations d'admiration ou de sympathie l'accompagnèrent jusqu'au sanctuaire. Pendant qu'à l'autel, le prêtre célébrait la messe, dehors, devant la grille, un homme vêtu d'un costume en velours marron et coiffé d'un feutre cabossé se promenait en fumant une bouffarde. C'était M. le comte de Brigard, à qui ses principes interdisaient, aussi bien au mariage qu'aux enterrements, l'entrée des églises et qui péripatétisait sur le trottoir avec ses disciples en attendant la sortie pour féliciter le marié. Quand elle eut lieu, il coupa le cortège et prenant la main de sa nièle, il la lui serra chaleureusement en le séparant de sa femme. « C'est bien, c'est noble, dit-il. C'est la situation qui a fait ce mariage sans elle inutile. J'ai compris. Pour cela, je l'excuse. Je fais plus, je l'applaudis. Mon cher, vous êtes un homme. » Et comme c'était un mercredi, le soir, à la parlotte chez Croza, il revint publiquement sur cette approbation qui, dans les conditions où elle avait été donnée, ne suffisait pas à sa conscience. « Messieurs, nous avons assisté aujourd'hui à un grand acte réparateur, le mariage de notre ami Saniel avec la sœur de ce pauvre garçon, victime d'une injustice qui crie vengeance. Un soir, dans cette même salle, j'ai parlé de Saniel légèrement. Quelques-uns de vous s'en souviennent peut-être, malgré le temps écoulé. Je tiens à lui en faire publiquement réparation, aujourd'hui qu'il s'est affirmé homme de devoir et de conscience, se mettant bravement au-dessus des faiblesses sociales. « N'est-ce pas une faiblesse sociale, dit Gladys, d'avoir pris pour les témoins de cet acte réparateur des personnages qui semblent n'avoir été choisis que pour le côté décoratif de leurs situations officielles ?»« Profonde ironie, au contraire, dit Brigard, en assurant son feutre. Leçon puissante et féconde que celle qui fait concourir à la démolition des préjugés, ceux-là même qui en sont les défenseurs professionnels. Saniel est un homme. » Chapitre 5. Le dimanche qui suivit son mariage, Phyllis éprouva une surprise à laquelle elle réfléchit longtemps, sans lui trouver une explication satisfaisante. Comme elle s'habillait, Saniel entra dans sa chambre. « Que comptes-tu faire aujourd'hui ? « Ce que je fais tous les jours. Tu ne vas pas à la messe ?» Elle le regarda, étonnée, n'étant pas maîtresse de son premier mouvement. Et comme toujours, lorsqu'elle paraissait vouloir lire en lui, il montra de la mauvaise humeur. « En quoi ma question est-elle extraordinaire ? » dit-il. « La messe n'est pas précisément le sujet habituel de tes préoccupations, il me semble. Elle peut le devenir exceptionnellement quand je pense aux autres, et c'est le cas. N'allais-tu pas à la messe quelquefois ?»« Quand je pouvais. Eh bien, tu peux aujourd'hui si tu veux. Voilà ce que j'avais à te dire. Et j'ai cru que cela devait être dit. Je n'ai pas oublié la promesse que tu m'as faite d'être respectueuse de mes idées et de mes croyances. Je veux te rendre l'appareil, c'est bien simple. Tout ce qui est bon et généreux te paraît simple. Alors, je vais y aller tout de suite. Comment tout de suite? Il n'est pas 8 heures. Va plutôt à la grand-messe, c'est plus convenable. Convenable? Quel mot étrange dans sa bouche. Ce n'était pas par respect pour les convenances qu'elle allait quelquefois à la messe, et plus souvent en ces derniers temps qu'autrefois, mais parce qu'il y avait en elle un fond de sentiments religieux et de piété un peu vague que les malheurs de Florentin avaient avivé. « J'irai à la grand-messe, » dit-elle, sans rien laisser paraître de ce que ce mot avait suggéré en elle, et en continuant de s'habiller. « C'est cette robe que tu vas mettre ?» demanda-t-il en montrant celle qui était posée sur une chaise. « Mais oui, à moins qu'elle ne te déplaise. Je la trouve un peu simple. » En effet, elle était d'une simplicité extrême, faite d'une étoffe à bas prix, ne valant que par l'originalité de façon que Phyllis lui avait donnée en la taillant elle-même. « N'oublie pas, continua-t-il, que Saint-François-Xavier n'est pas une église de besogneux. Quand on est charmante comme toi, on se fait partout remarquer. On voudra savoir qui tu es. » « Tu as raison, je vais prendre ma robe de distribution des prix. »« C'est cela, et ton chapeau fermé, n'est-ce pas, plutôt qu'un chapeau rond. La première impression produite doit être la bonne. » Ce mélange de préoccupations religieuses et mondaines n'était-il pas tout à fait surprenant chez lui? Elle l'avait donc bien mal connu jusqu'à ce jour. Après tout, peut-être n'était-ce qu'une exception. Au départ, il avait voulu lui donner un conseil qu'il jugeait sage. Mais ses exigences pour la toilette se répétèrent. Bien qu'avant le mariage, elle n'eût fait que passer dans la vie de Saniel, elle la connaissait assez cependant pour savoir qu'elle était rigoureusement employée au travail, sans rien donner de son temps aux distractions ou même simplement aux relations mondaines. Et elle avait cru que les choses continueraient ainsi. Mariée, il travaillerait comme avant de l'être. Pour le travail, elle avait raisonné juste, faux pour les distractions ou plutôt les relations. Peu de temps après leur mariage, l'un de leurs témoins, l'ancien ministre Claudet, avait rattrapé un bon portefeuille, et Saniel, l'ayant guéri d'une névralgie faciale juste à point pour qu'il pût faire les courses et mener les négociations qui avaient abouti à sa nomination, il s'était pris d'une belle amitié pour ce jeune médecin à qui il devait son ministère. C'était un homme bon à avoir sous la main que celui qui faisait ses miracles et vous permettait d'aller ou de ne pas aller à la chambre selon les circonstances. Sans compter qu'il vous enlevait à la main une douleur dont seuls peuvent parler ceux qui l'ont éprouvée. Étant donné le caractère de Saniel et ses habitudes, il semblait que cette amitié ne devait guère avoir d'influence sur lui. Médecin, non courtisan. Mais il s'était trouvé que le médecin et le courtisan n'avaient fait qu'une seule et même personne et que Saniel était devenu le commensal du ministère. Il n'y avait pas de réunion, pas de fête sans qu'il y fût invité, et toutes il les acceptait, pour lui aussi bien que pour sa femme. Quel étonnement quand elle l'avait vu tout quitter pour aller s'asseoir à la table du ministre ou figurer dans ses salons. Et aussi quand les observations à propos de la robe de la messe avaient recommencé pour celle des dîners et des soirées. Tout d'abord, la robe du mariage avait été appropriée à ses exigences par un habile décolletage. Mais elle ne pouvait pas toujours aller. Il avait fallu l'orner, la modifier, en faire avec une seule 3 ou 4, ce qui n'était pas facile. Si ingénieuse qu'elle fût pour ses arrangements, quelques mètres de tulle et de gaze ne lui fournissaient pas des combinaisons indéfinies. D'ailleurs, elle ne lui suffisait point. Il les trouvait trop simples et voulait des dentelles, du jais, des fleurs, du brillant, du clinquant, ce qu'il voyait aux autres femmes. Comment le contenter avec les faibles ressources dont elle disposait? Elle avait apporté dans son ménage une économie d'avare. Joseph, congédié, était remplacé par une bonne qui faisait tout, l'appartement, la cuisine et même un peu de blanchissage. Cette cuisine était d'une simplicité de pauvres gens. Mais ces petites économies, gagnées d'un côté, fondaient vite d'un autre dans les toilettes, dans les voitures qu'il fallait prendre, bon gré, mal gré, trop souvent. Alors elle avait voulu se remettre au travail, non des leçons, ce qui n'était plus possible, mais des menus qui lui donneraient une centaine de francs par mois assez facilement. Il n'y avait pas consenti, et comme elle insistait doucement, il s'était fâché. « Cela ne serait pas digne de toi. Je ne veux pas qu'on dise que ma femme descend à ses besognes. » Il lui avait seulement permis la peinture, puisqu'autrefois elle avait peint dans l'atelier de son père pour s'amuser et qu'elle n'avait renoncé au tableau quand elle avait dû gagner sa vie, que parce que le temps lui manquait pour travailler honnêtement, elle pouvait s'y remettre maintenant qu'elle n'était plus poussée par la tâche quotidienne. Si le métier était honteux, l'art pouvait être honorable. Qu'elle eût du talent, il en serait heureux, et même glorieux. Qu'elle vendît ses tableaux, ce serait une originalité qui ferait parler d'elle dans le monde. Le salon avait été en partie transformé en atelier, et elle avait essayé quelques petits tableaux qui, pour n'avoir aucune prétention au grand art, étaient cependant agréables, faciles, enlevés avec un chic brillant qui plaisait. Glorian, à qui elle les avait montrés, les avait trouvés gentils comme tout, et il en avait fait acheter deux par son marchand, qui en avait commandé d'autres, à un prix doux, il est vrai, très doux même, mais enfin pour elle, beaucoup au-dessus de ce qu'elle attendait. Avec le courage et la constance que les femmes apportent à ce qui leur plaît, elle eut volontiers travaillé du matin au soir. Mais les relations que Saniel s'était créées ne lui en laissaient pas la liberté. Par cela seul qu'il était assidu chez Claudet, on l'avait invité ailleurs, et comme au lieu de se dérober à ses invitations, il les avait recherchées, il en était résulté pour elle des obligations mondaines qui lui dévoraient son temps. Tous les jours, elle avait une ou plusieurs visites à faire. Elle devait aller aux enterrements, au mariage, se montrer aux ventes de charité. Elle-même avait son jour, et pendant 3 heures, il lui fallait écouter des papotages féminins sans intérêt pour elle. Et lui, quel plaisir pouvait-il prendre à endosser un habit quand il était là, après une journée bien employée, pour s'en aller dans un salon? Lui, fils de paysan, resté paysan par tant de côtés. Lui qui autrefois ne comprenait rien à la vie mondaine et n'avait pour elle que du mépris, la trouvant aussi ennuyeuse que ridicule. Elle avait cherché à deviner la cause de ce changement. Et quand avec adresse, avec légèreté, d'une façon détournée, elle l'avait amené à s'expliquer là-dessus, elle n'en avait tiré qu'une réponse, qui pour elle n'en était pas une. Il faut être du monde. Pourquoi donc tenait-il tant à être du monde? Était-ce pour elle, parce qu'elle était la sœur d'un forçat, qu'il voulait la poser partout et la faire admettre la tête haute? Cela, elle l'eut jusqu'à un certain point compris, bien que ce rôle qu'il lui faisait jouer fût le plus cruel qu'on pût lui donner et précisément le contraire de celui qu'elle aurait pris si elle avait été libre. Mais il n'y avait pas que cela dans ce besoin d'être du monde. Lui, pour l'avoir épousé, n'était pas le frère d'un forçat, et cependant, en l'observant de près, on pouvait croire que ce qu'il demandait à ses relations et aux personnages dans de hautes situations qu'il recherchait, c'était une part de leur importance, de leur considération, de leur honneur, comme s'il voulait s'en couvrir. Il n'avait besoin cependant ni de cette importance, ni de cette considération, ni de cet honneur, et n'avait rien à leur prendre en se frottant à eux. Il était quelqu'un par lui-même. La place qu'il s'était faite était digne de son mérite. Son nom était honoré. On enviait son avenir. Et pourtant, comme s'il ne sentait pas cela, il recherchait de petites satisfactions indignes d'une ambition sérieuse et d'une valeur incontestée. N'avait-elle pas eu la surprise, un soir que par une belle nuit il s'en revenait à pied, de lui entendre dire qu'on venait de lui proposer la décoration d'une république espagnole? Bien qu'elle eût appris à veiller sur ses paroles, une exclamation lui avait échappé. « Mais qu'est-ce que tu ferais de ça ?»« Je n'ai pas pu la refuser. » Non seulement il n'avait pas refusé celle-là, mais encore, il en avait accepté d'autres. Des bleus, des vertes, des jaunes, des tricolores aussi. Il en avait porté à la boutonnière, autour du cou et en plaques sur son habit. Quel bien pouvaient lui faire ces décorations qui l'amoindrissaient? Et comment un homme de son mérite avait-il hâte d'obtenir la Légion d'honneur avant qu'elle lui tombât naturellement lorsqu'elle serait mûre pour lui? Il y avait là des étonnements, des obscurités, des non-sens, qui faisaient travailler son esprit, lorsqu'assise toute seule devant son chevalet, elle peignait pendant qu'à côté d'elle, dans son laboratoire, il poursuivait ses expériences ou que dans son cabinet, il écrivait un article pour sa revue. Mais ce n'était pas sans résistance qu'elle se laissait aller ainsi à le juger. On ne juge pas ce qu'on aime, et elle l'aimait. N'était-ce pas manquer de respect à son amour que de ne pas l'admirer en tout? Quand ses idées la tourmentaient, elle abandonnait son chevalet et se levant, elle allait le trouver là où il était. Près de lui, elle se dissipait. Les premières fois, pour ne pas le déranger, elle était entrée sur la pointe des pieds, marchant à pas étouffés. Elle s'était penchée sur son épaule, l'embrassant avant qu'il l'eût vue ou entendue. Mais alors il avait trahi un tel effarement, une telle peur, qu'elle avait renoncé à cette manière de l'aborder. « Pourquoi m'arrives-tu ainsi sur le dos? Que cherches-tu? Que veux-tu ? » Pour cela, cependant, elle n'avait point cessé de venir le voir. Mais elle avait procédé autrement. Au lieu de le surprendre, elle avait annoncé son arrivée, claquant le pêne de la porte, traînant les pieds. Et au lieu de l'accueillir d'une façon inquiète, il l'avait alors reçue avec une joie franche. « Tu ne travailles plus ? Je viens te voir un peu. »« Eh bien, reste là, ne t'en retourne pas tout de suite. Je ne suis jamais si heureux, je ne travaille jamais si bien que lorsque je t'ai près de moi. » Et cela était vrai, elle le voyait, elle le sentait. Par cela seul qu'elle était près de lui, qu'elle parlât ou ne parlât point, rien que par sa présence, il était heureux. Encore fallait-il qu'elle ne parût pas le regarder trop attentivement, avec l'intention manifeste de l'observer. Car, cela ayant eu lieu dans les premiers temps de leur mariage, il s'était emporté et fâché comme lorsqu'elle avait eu la maladresse de lui tomber sur le dos à l'improviste. « Pourquoi m'examines-tu ainsi? Que cherches-tu en moi ?» Elle se l'était tenue pour dit, et lorsqu'elle restait ainsi près de lui, elle s'observait pour garder une attitude discrète qui ne le fâcha point. Pas de regard curieux, pas de questions, et il était content. Cependant, comme cette attitude n'était pas toujours commode, elle lui demandait de l'aider, et après lui, elle revoyait en seconde des épreuves, ou bien elle lui mettait au net des dessins un peu grossiers qu'il faisait lui-même pour ses recherches microscopiques. Alors le temps passait vite. S'il avait voulu rester ainsi, et dans cette douce intimité, laisser passer les heures de la soirée sans parler de sortir, comme elle eût été heureuse. Mais il n'oubliait jamais l'heure. « Allons, » disait-il en s'interrompant, « il faut sortir. » Elle n'avait jamais osé demander les raisons vraies de ce « il faut ». Chapitre 6. Si elle n'osait pas lui adresser franchement cette question, pourquoi faut-il sortir? Pas plus celle-là que les autres d'ailleurs. Pourquoi est-il convenable que je me fasse voir à la messe? Pourquoi dois-je porter des toilettes qui nous ruinent? Pourquoi acceptes-tu des décorations sans valeur à tes yeux? Pourquoi recherches-tu la compagnie de gens qui n'ont d'autre mérite que celui qu'ils tirent de leur situation officielle ou de leur fortune? Pourquoi nous imposons-nous des devoirs mondains qui nous ennuient autant l'un que l'autre, au lieu de rester en tête à tête dans une tendre et intelligente intimité qui nous est aussi douce à l'un qu'à l'autre? Elle ne pouvait pas ne pas se les adresser à elle-même. Elles eussent toutes appartenu à cet ordre d'idées qu'elle eût sans doute trouvé à les expliquer. Disposition de caractère, exigence d'une ambition pressée de réaliser ses désirs, susceptibilité ou fierté ombrageuse. Mais il y en avait d'autres qui reposaient sur des observations ou des souvenirs n'ayant avec celle-là aucun rapport, au moins lui semblait-il. Elle eut commencé à connaître son mari le lendemain de son mariage qu'elle aurait pu croire qu'il avait toujours été tel qu'il se révélait à elle. Mais ce n'était pas là son cas, et l'homme qu'elle avait aimé ressemblait si peu à celui dont elle était devenue la femme qu'on aurait pu croire qu'il faisait d'eux. À la vérité, ce n'était point le mariage qui avait amené dans son humeur les changements qui la frappaient. Mais il n'en était pas moins caractéristique par cela qu'il remontait à une époque antérieure à ce mariage. Comment ils avaient commencé, elle se le rappelait avec une netteté qui ne laissait place ni au doute ni à l'hésitation. C'était au moment où les poursuites de ses créanciers l'avaient mis en relation avec Cafier. Pour la première fois, lui, toujours si ferme qu'elle le croyait au-dessus de la faiblesse, avait eu un moment de découragement en annonçant qu'il allait peut-être être obligé de quitter Paris. Mais ce découragement n'avait rien des colères ou des défaillances qu'elle avait trouvées en lui plus tard. C'était la juste douleur d'un homme qui voit son avenir brisé, rien de plus. La seule surprise qu'elle eut alors éprouvée avait été causée par l'idée d'étrangler Cafier et de prendre dans sa caisse l'argent qu'il lui fallait pour se tirer d'affaire, et aussi par ce qu'il lui avait dit, comme conséquence de cet acte, du remords chez l'homme intelligent qui n'a jamais à supporter les reproches de sa conscience, puisque pour lui, la conscience n'existe pas. Mais c'était là, évidemment, une simple théorie philosophique, non un trait de caractère, un mot de plaisanterie ou un argument de discussion. Débarrassé de ses créanciers avec l'argent gagné à Monaco, il avait repris son calme, travaillant plus que jamais, passant ses concours. Et quand il était dans les conditions les mieux faites pour se montrer nerveux, violent, injuste, brutal, restant au contraire l'homme qu'il avait toujours été depuis qu'elle le connaissait. Puis tout à coup, peu de temps avant que Florentin passât aux assises, avaient éclaté ses bizarreries d'humeur, ses colères, ses inquiétudes pour elle inexplicables, se manifestant précisément au moment même où, par l'intervention de Madame d'Amauville, on pouvait espérer que Florentin allait être sauvé. Elle n'avait pas oublié la colère furieuse avec laquelle il avait repoussé sa demande de voir Madame d'Amauville, sans que rien n'expliquât et justifiât cet accès. Il l'avait chassée durement. Il voulait rompre. Et avant d'en avoir été témoin, elle n'imaginait pas qu'on pût mettre une pareille violence dans l'exaspération. Puis à cette scène, en avait succédé une autre tout opposée, qui ne l'avait pas moins frappée, quand, dans leur dîner au coin du feu, il avait laissé paraître une si profonde désolation en lui recommandant de garder le souvenir de cette soirée, le jour où elle voudrait le juger, et en lui annonçant d'une façon en quelque sorte prophétique qu'une heure viendrait où elle voudrait connaître celui qu'elle aimait. Et voilà que cette heure, dont elle avait rejeté bien loin la pensée, avait sonné. Voilà qu'elle cherchait à combiner les éléments de ce jugement qui alors lui paraissait criminel, et maintenant s'imposait à ses préoccupations, quoi qu'elle fît pour le repousser. Que de fois lui était revenu ce souvenir, à ce point qu'on pouvait dire qu'il ne l'avait pas quitté, doux et douloureux en même temps, et moins doux, plus douloureux, à mesure que de nouveaux sujets d'inquiétude s'étaient ajoutés les uns aux autres, en insistant sur l'impression mystérieuse et troublante qui lui en était restée. Le juger. Pourquoi voulait-il qu'elle le jugeât? Et sur quoi? Et cependant, ce n'était pas là, chez lui, une parole insignifiante, mais bien la constatation d'un état particulier de sa conscience qui, plusieurs fois depuis, s'était affirmé. N'était-ce pas, en effet, à cet ordre d'idées qu'appartenait le cri qui lui avait échappé dans la nuit où, se réveillant tout à coup, il avait demandé avec émoi, avec effroi, « Qu'ai-je dit ?» Et aussi au même qu'appartenait encore la colère qu'il avait emportée lorsque, à propos de leur mariage religieux, elle avait parlé de la confession. « Pourquoi admets-tu que je puisse avoir peur d'aller à confesse ?» Comment imaginait-il qu'elle pouvait admettre chez lui l'idée de cette peur? Jamais elle ne s'était présentée à son esprit jusqu'à ce moment. Et si maintenant le souvenir de son étonnement lui revenait, c'était parce que d'autres petits faits, s'ajoutant les uns aux autres, avec le temps écoulé, l'évoquaient. Combien nombreux et significatifs étaient-ils, ces faits? Son constant souci de se voir observé par elle, son irritation quand il pouvait supposer qu'elle pensait à l'interroger, ses accès d'emportement quand par mégarde ou maladresse, par oubli ou simplement par hasard, elle lui adressait une question sur certains sujets, et aussitôt les retours de tendresse qui suivaient, si brusques qu'ils paraissaient plutôt voulus en vue d'un but déterminé que naturel et spontané. Elle avait été longtemps à admettre le calcul sous les douces paroles qui la rendaient si heureuse. Mais à la fin, il avait bien fallu qu'elle ouvrît les yeux à l'évidence et vit qu'elles étaient, chez lui, la conséquence de la même et constante préoccupation, celle de ne pas se livrer. De là à se demander ce qu'il ne voulait pas livrer, il n'y avait qu'un pas. Cependant, si court qu'il fût, elle avait longtemps résisté à la curiosité qui la poussait. C'était son devoir de femme aimante et dévouée de ne pas chercher au-delà de ce qu'on lui montrait, et ce devoir était en parfait accord avec les dispositions de son amour. Mais la force même des choses vues l'avait emportée sur la volonté et la raison. Elle pouvait ne pas appliquer son esprit à chercher ce qui l'angoissait. Elle ne pouvait pas fermer ses yeux et ses oreilles à ce qui les frappait. Et ce qui les frappait, c'étaient les mêmes observations, tournant toujours dans le même cercle, s'appliquant au même sujet et aux mêmes personnes. Le nom de Cafier l'agaçait. Celui de Madame d'Amauville le fâchait ou le troublait. Celui de Florentin le rendait positivement malheureux. Pour ceux de Cafier et de Madame d'Amauville, elle avait pu empêcher qu'ils ne fussent prononcés lorsqu'elle avait vu l'effet qu'ils produisaient infailliblement. Mais pour celui de Florentin, elle ne pouvait pas faire, pas plus qu'elle ne voulait, qu'il en fût ainsi. Comment aurait-elle dit à sa mère de ne jamais prononcer le nom de celui qui occupait constamment leurs pensées? Comment elle-même l'aurait-elle arrêté sur ses lèvres? Malgré les démarches et les sollicitations de Saniel, appuyée de celle de Nougarède, Florentin avait été embarqué pour la Nouvelle-Calédonie, d'où il écrivait aussi souvent qu'il le pouvait. Ses lettres avaient raconté ses tortures dans le bagne du transport où il avait été enfermé dans sa traversée, et depuis elles n'étaient qu'une longue plainte qui se continuait de l'une à l'autre, comme un récit sans fin, roulant toujours sur le même sujet. Ses souffrances matérielles, son humiliation, ses dégoûts au milieu des misérables dont il était le compagnon, son découragement. Quand ces lettres arrivaient, c'était chez la mère et la sœur une désolation qui emplissait la maison de pleurs pendant plusieurs jours. Et alors il se fâchait de cette douleur que ni l'une ni l'autre ne pouvait dissimuler. « Que feriez-vous s'il était mort ? » disait-il à Phyllis. « Ne serait-il pas moins à plaindre ? Mais enfin, il reviendra. Mais dans quel état ? Sommes-nous maîtres de la fatalité ? Nous pleurons, nous ne nous plaignons pas. » Mais lui se plaignait des visages éplorés qui l'entouraient, des larmes qu'on lui cachait, des soupirs qu'on étouffait. D'ordinaire, il était doux et affectueux avec sa belle-mère, d'une prévenance et d'une déférence qui, par certains côtés, avait même quelque chose d'affecté, comme si c'était par volonté plutôt que par sentiment naturel qu'il fût ainsi. Mais alors il oubliait cette douceur, et c'était durement qu'il la traitait, si injustement que plus d'une fois Madame Cormier n'avait pas pu ne pas s'en plaindre à sa fille. « Comment ton mari, qui est si bon avec moi, devient-il si impitoyable quand il s'agit de Florentin ? On dirait que notre chagrin fait sur lui l'effet d'un reproche que nous lui adresserions. » Un jour, que les choses avaient été plus loin que de coutume, elle avait eu le courage de s'en expliquer avec lui. « Pardonnez-nous de vous imposer l'ennui de notre chagrin, lui dit-elle. Quand je me plains de tout, des hommes et des choses, vous devez bien penser que vous êtes excepté, vous qui avez tout fait pour le sauver. » Mais ces quelques mots, qui croyait-elle, devaient calmer l'irritation de son gendre, l'avaient au contraire exaspéré. Il était parti furieux. « Je ne comprends rien à ton mari, avait-elle dit à sa fille. Ne m'expliqueras-tu pas ce qu'il a ? » Comment eût-elle donné à sa mère cette explication qu'elle ne pouvait se donner à elle-même ? Arrivée devant un abîme insondable, elle n'osait même pas se pencher au-dessus pour regarder au fond. Et au lieu d'aller de l'avant, dans la voie où elle s'était engagée malgré elle, elle faisait effort pour revenir en arrière, ou tout au moins pour s'arrêter. Il était ainsi. Eh bien, à cela elle ne pouvait rien. À quoi bon chercher pourquoi il était ainsi, et ce qui se trouvait sous ce qu'il prenait tant de soins à cacher? Ce ne pouvait être là qu'une curiosité coupable, dont un jour ou l'autre elle serait punie. À tourner et retourner continuellement ses pensées, elle avait perdu son entrain, sa force de résistance au coup du sort, comme aux contrariétés de la vie qui la faisait autrefois si vaillante. Le ressort, si vigoureux en elle, s'était affaissé sous le poids trop lourd qui le chargeait, et ses yeux souriants exprimaient maintenant plus souvent l'anxiété que le bonheur et la confiance. Si attentive qu'elle fût à s'observer, elle n'avait pas pu cacher ses changements à Saniel, car il se manifestait en tout. sur sa physionomie autrefois ouverte et qui maintenant portait l'empreinte de la douleur enfermée, dans son attitude concentrée, dans ses silences et ses distractions. Qu'avait-elle ? Il l'avait interrogée. Elle n'avait rien répondu qui fût pour lui un éclaircissement, autrement que par la prudence même qu'elle mettait dans ses réponses. Il l'avait examinée en médecin et n'avait rien trouvé qui indiquât un état maladif et qui, par conséquent, justifiât ses changements. Si elle ne voulait pas répondre à ses questions, et il avait la preuve qu'elle ne le voulait pas, si d'autre part elle n'était pas malade, et il avait la conviction qu'elle ne l'était pas, il fallait qu'il se passât en elle quelque chose de grave pour que la femme en qui il lisait si facilement naguère fût devenue l'énigme troublante qui l'inquiétait. Et quelle chose, si ce n'était celle dont il portait lui-même le poids écrasant sur ses épaules qui fléchissaient. Elle avait deviné, elle avait compris, sinon tout, au moins une partie de la vérité. Quelle situation extraordinaire que la sienne est bien faite en vérité pour dérouter sa raison. Rien à craindre des autres, tout de soi. La justice, la loi, le monde, de tous les côtés on le laisse tranquille. On ne lui demande rien. Ce qui était dû a été payé. Mais lui, par une aberration maladive, va réveiller les morts qui dorment dans leur tombe d'où personne ne pense à les tirer, et en fait des spectres qui laissent la voir, cela entendre. Et il s'était cru fort, fou qu'il était, et plus encore ignorant, d'avoir pris une pareille charge quand par l'exercice de sa volonté il ne s'était pas mis en état de la porter. Vouloir, mais il n'avait pas appris à vouloir, pas plus qu'à se servir de ce frein que le cerveau fait manœuvrer, de sorte qu'il en était de lui comme des animaux inférieurs chez qui les mouvements réflexes s'accentuent par l'ablation du cerveau.